La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre, 6e, Les dieux païens. Argument. Après avoir réfuté, dans les 5 livres qui précèdent, ceux qui veulent qu'on adore les dieux en vue des intérêts de la vie temporelle, Saint-Augustin discute contre ceux qui les adorent pour les avantages de la vie éternelle. C'est à quoi sont consacrés les 5 livres qui suivent. L'objet particulier de celui-ci est de faire voir quelle basse idée se faisait des dieux Varron lui-même, le plus autorisé entre les théologiens du paganisme. Saint-Augustin, s'appuyant sur la division que fait cet écrivain de la théologie en 3 espèces, la théologie mythique, la théologie naturelle et la théologie civile, démontre que la théologie mythique et la théologie civile ne servent de rien pour la félicité de la vie future. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique. Préface. Je crois avoir assez réfuté, dans les 5 livres précédents, ceux qui pensent qu'on doit honorer d'un culte de l'atrie, lequel n'est dû qu'au seul vrai Dieu, toutes ces fausses divinités, convaincues par la religion chrétienne d'être de vains simulacres, des esprits immondes ou des démons, en un mot, des créatures et non le Créateur. Je n'ignore pas toutefois que ces 5 livres et 1000 autres ne puissent suffire à satisfaire les esprits opiniâtres. La vanité ne se fait-elle pas un point d'honneur de résister à toutes les forces de la vérité, et cependant le vice hideux de l'obstination tourne contre les malheureux mêmes qui en sont subjugués. C'est une maladie incurable, non par la faute du médecin, mais par celle du malade. Quant à ceux qui pèsent ce qu'ils ont lu et le méditent sans opiniâtreté, ou du moins sans trop d'attachement à leurs vieilles erreurs, ils jugeront, j'espère, que nous avons plus que suffisamment résolu la question proposée, et que le seul reproche qu'on nous puisse adresser est celui d'une surabondance excessive. Je crois aussi qu'ils se convaincront aisément que cette haine, qu'on excite contre la religion chrétienne à l'occasion des calamités et des bouleversements du monde, passion aveugle ressentie par des ignorants, mais que des hommes très savants, possédés par une rage impie, ont soin de fomenter contre le témoignage de leur conscience, toute cette haine est l'ouvrage de la légèreté et du dépit, et n'a aucun motif raisonnable. Note. Nous avons dit au livre 5, chapitre 15 que la théologie chrétienne distingue 2 sortes de cultes. Le culte de Duli, du grec douléa, et le culte de l'atrie, du grec latréa. Sans insister sur les différences d'étymologie, nous emprunterons à saint Augustin lui-même, question sur l'Exode, numéro 94, la définition précise de ces 2 cultes. On doit à Dieu, dit-il, le culte de Douli à titre de seigneur. On lui doit celui de l'atrie à titre de Dieu et à ce titre seul. Voyez également le livre 10, chapitre 1er. Chapitre 1er. De ceux qui prétendent adorer les dieux, non en vue de la vie présente, mais en vue de la vie éternelle. Ayant donc à répondre maintenant, selon l'ordre que je me suis prescrit, à ceux qui soutiennent qu'il faut servir les dieux dans l'intérêt de la vie à venir et non pour les biens d'ici-bas, je veux entrer en matière par cet oracle véridique du saint psalmiste. Heureux celui qui a mis son espérance dans le Seigneur et n'a point arrêté ses regards aux choses vaines et aux trompeuses folies. Psaume 39, 5. Toutefois, au milieu des vanités et des folies du paganisme, ce qu'il y a de plus supportable, c'est la doctrine des philosophes qui ont méprisé les superstitions vulgaires, tandis que la foule se prosternait aux pieds des idolés, tout en leur attribuant mille indignités, les appelait dieux immortels et leur offrait un culte et des sacrifices. C'est avec ces esprits d'élite qui, sans proclamer hautement leurs pensées, l'ont au moins murmuré à demi-voix dans leurs écoles, c'est avec de tels hommes qu'il peut convenir de discuter cette question. Faut-il adorer, en vue de la vie future, un seul Dieu, auteur de toutes les créatures spirituelles et corporelles, ou bien cette multitude de dieux qui n'ont été reconnus par les plus excellents et les plus illustres de ces philosophes, qu'à titre de divinité secondaire créée par le Dieu suprême, et placée de sa propre main dans les régions supérieures de l'univers. Allusion à Platon, voyez le Timée. Quant à ces dieux bien différents sur lesquels je me suis expliqué au quatrième livre, chapitres 11 et 21, et dont l'emploi est restreint aux plus minces objets, qui pourrait être reçu à soutenir qu'il soit capable de donner la vie éternelle? En effet, ces hommes si habiles et si ingénieux, qui croient que le monde leur est fort obligé de lui avoir appris ce qu'il faut demander à chaque dieu, de peur que, par une de ces méprises ridicules dont on se divertit à la comédie, on ne soit exposé à demander de l'eau à Bacchus ou du vin aux nymphes. Voudrait-il que celui qui s'adresse aux nymphes pour avoir du vin, sur cette réponse, nous n'avons que de l'eau à donner, adressez-vous à Bacchus, s'avisa de répliquer. Si vous n'avez pas de vin, donnez-moi la vie éternelle. Se peut-il concevoir rien de plus absurde, et en supposant que les nymphes, au lieu de chercher, en leur qualité de démons, à tromper le malheureux suppliant, eussent envie de rire. Allusion à Virgile, églogue, 3-9. Ne pourrait-elle pas lui répondre, « Tu crois, pauvre homme, que nous disposons de la vie, nous qui ne disposons même pas de la vigne. C'est donc le comble de la folie d'attendre la vie éternelle de ces dieux, dont les fonctions sont tellement partagées, pour les objets même de cette vie misérable. » Et dont la puissance est si restreinte et si limitée qu'on ne saurait demander à l'un ce qui dépend de la fonction de l'autre, sans se charger d'un ridicule digne de la comédie. On ricane des auteurs donne sciemment dans ses méprises, mais il y a bien plus sujet de rire, quand des superstitieux y tombent par ignorance. Voilà pourquoi de savants hommes ont écrit des traités où ils déterminent pertinemment à quel dieu ou à quelle déesse il convient de s'adresser pour chaque objet qu'on peut avoir à solliciter. Dans quel cas, par exemple, il faut avoir recours à Bacchus, dans quel autre cas aux nymphes ou à Vulcain, et ainsi de tous les autres dont j'ai fait mention au quatrième livre, ou que j'ai cru devoir passer sous silence. Or, si c'est une erreur de demander du vin à Cérès, du pain à Bacchus, de l'eau à Vulcain et du feu aux nymphes, n'est-ce pas une extravagance de demander à aucun de ces dieux la vie éternelle? Et en effet, si nous avons établi, en traitant au livre précédent des royaumes de la terre, que les plus grandes divinités du paganisme ne peuvent pas même disposer des grandeurs d'ici-bas, je demande s'il ne faut pas pousser l'impiété jusqu'à la folie pour croire que cette foule de petits dieux seront capables de disposer à leur gré de la vie éternelle, supérieure, sans aucun doute et sans aucune comparaison, à toutes les grandeurs périssables? Car, qu'on ne s'imagine pas que leur impuissance à disposer des prospérités de la terre tient à ce que de tels objets sont au-dessous de leur majesté et indignes de leurs soins, non, si peu de prix qu'on doive attacher aux choses de ce monde, c'est l'indignité de ces dieux qui les a fait paraître incapables d'en être les dispensateurs. Or, si aucun d'eux, comme je l'ai prouvé, ne peut, petit ou grand, donner à un mortel des royaumes mortels comme lui, à combien plus forte raison ne saurait-il donner à ce mortel l'immortalité? Il y a plus, Et puisque nous avons maintenant affaire à ceux qui adorent les dieux, non pour la vie présente, mais pour la vie future, ils doivent tomber d'accord qu'il ne faut pas du moins les adorer en vue de ces objets particuliers qu'une vaine superstition assigne à chacun d'eux comme son domaine propre. Car ce système d'attribution particulière n'a aucun fondement raisonnable, et je crois l'avoir assez réfuté. Ainsi, alors même que les adorateurs de Juventas jouiraient d'une jeunesse plus florissante, et que les contempteurs de cette déesse mourraient ou se flétriraient avant le temps. Alors même que la fortune barbue couvrirait d'un duvet agréable les joues de ses pieux serviteurs et refuserait cet ornement à tout autre ou ne lui donnerait qu'une barbe sans agrément, nous aurions toujours raison de dire que le pouvoir de ces divinités est enfermé dans les limites de leurs attributions, et par conséquent qu'on ne doit demander la vie éternelle ni à Juventas, qui ne peut même pas donner de la barbe, ni à la fortune barbue, incapable aussi de donner cet ajout la barbe vient au menton. Si donc il n'est pas nécessaire de servir ces déesses pour obtenir les avantages dont on leur attribue la disposition, car combien ont Endor et Juventas qui ont eu une jeunesse peu vigoureuse, tandis que d'autres, qui ne l'adorent pas, jouissent de la plus grande vigueur, et combien aussi invoquent la fortune barbue sans avoir de barbe, ou l'on s'y lette qu'il prête à rire à ceux qui l'ont belle sans l'avoir demandé? Comment croire que le culte de ces dieux, inutile pour obtenir des biens passagers, où ils président uniquement, soit réellement utile pour obtenir la vie éternelle? Ceux-là même ne l'ont pas osé dire, qui, pour les faire adorer du vulgaire ignorant, ont distribué à chacun son emploi, de peur sans doute, vu leur grand nombre, qu'il n'y en eût quelqu'un d'oisif. Chapitre 2. Sentiment de Varron touchant les dieux du paganisme, qu'il nous apprend à si bien connaître, qu'il leur eût mieux marqué son respect en n'en disant absolument rien. Où trouver, sur cette matière, des recherches plus curieuses, des découvertes plus savantes, des études plus approfondies que dans Marcus Varron, en un mot, un traité mieux divisé, plus soigneusement écrit et plus complet. Malgré l'infériorité de son style, qui manque un peu d'agrément, il a tant de sens et de solidité, qu'en tout ce qui regarde les sciences profanes, que les païens nomment libéral, il satisfait ceux qui sont avides de choses, autant que Cicéron charme ceux qui sont avides de beau langage. J'en appelle à Cicéron lui-même, qui, dans ses académiques nous apprend qu'il a discuté la question qui fait le sujet de son ouvrage, avec Varron. Les quatre livres des académiques dédiés à Varron sont perdus sauf un fragment du livre premier. L'homme, dit-il, le plus pénétrant du monde est sans aucun doute le plus savant. Remarquez qu'il ne dit pas le plus éloquent ou le plus disert, parce qu'à cet égard l'infériorité de Varron est grande, mais il dit le plus pénétrant, et ce n'est pas tout. Car il ajoute, dans un livre destiné à prouver qu'il faut douter de tout, et sans aucun doute le plus savant, comme si le savoir de Varron était la seule vérité dont il n'y eut pas à douter, et qui pût faire oublier à l'auteur, au moment de discuter le doute académique, qu'il était lui-même académicien. Dans l'endroit du premier livre où il vante les ouvrages de Varron, il s'adresse ainsi à cet écrivain. Nous étions errants et comme étrangers dans notre propre pays. Tes livres ont été pour nous comme des hôtes qui nous ont ramenés à la maison et nous ont appris à reconnaître notre nom et notre demeure. Par toi nous avons connu l'âge de notre patrie. Par toi, l'ordre et la suite des temps. Par toi, les lois du culte et les attributions des pontifes. Par toi, la discipline privée et publique. Par toi, la situation des lieux et des empires. Par toi, les noms, les espèces et les fonctions des dieux. En un mot, les causes de toutes les choses divines et humaines. Cicéron, Secondes Académiques, chapitre 3. Si donc ce personnage si excellent et si rare, dont Terentianus Morus a dit dans le traité des Maîtrises ce vers élégant et précis, qu'il était savant de tout point, si ce grand auteur, qui a tant lu qu'on s'étonne qu'il ait eu le temps d'écrire, et qui a plus écrit que personne ait peut-être jamais lu, si cet habile et savant homme, avait entrepris de combattre et de ruiner les institutions dont il traite comme de choses divines, s'il avait voulu soutenir qu'il se trouvait en tout cela plus de superstition que de religion, je ne sais, en vérité, s'il aurait relevé plus qu'il n'a fait de choses ridicules, odieuses et détestables. Mais comme il adorait ces mêmes dieux, comme il croyait à la nécessité de les adorer, jusque-là qu'il avoue dans son livre la crainte qu'il a de les voir périr, moins par une invasion étrangère que par la négligence de ses concitoyens, et déclare expressément n'avoir d'autre but que de les sauver de l'oubli en les mettant sous la sauvegarde de la mémoire des gens de bien. Précaution plus utile, en effet, que le dévouement de Métellus pour arracher la statue de Vesta à l'incendie, ou que celui d'Énée pour dérober ses dieux peinât à la ruine de Troie, comme il ne laisse pas toutefois de conserver à la postérité des traditions contraires à la piété, et à ce titre également réprouvées par les savants et par les ignorants, que pouvons-nous penser, sinon que cet écrivain, d'ailleurs si habile et si pénétrant, mais que le Saint-Esprit n'avait pas rendu à la liberté, succombait sous le poids de la coutume et des lois de son pays, et toutefois, sous prétexte de rendre la religion plus respectable, ne voulait pas faire ce qu'il y trouvait à blâmer? Chapitre 3. Plan des Antiquités de Varron. Les Antiquités de Varron, ouvrage perdu, forme 41 livres, 25 sur les choses humaines et 16 sur les choses divines. Le traité des choses humaines est divisé en 4 parties, suivant que l'on considère les personnes, les temps, les lieux et les actions. Sur chacun de ces objets il y a 6 livres, en tout 24, plus un premier livre, qui est une introduction générale. Varron suit le même ordre pour les choses divines, considérant tour à tour les personnes qui sacrifient aux dieux, les temps, les lieux où elles sacrifient et les sacrifices eux-mêmes. Il maintient exactement cette distinction subtile et emploie 3 livres pour chacun de ces 4 objets, ce qui fait en tout 12 livres. Mais comme il fallait dire aussi à qui sont offerts les sacrifices, car c'est là le point le plus intéressant, il aborde cette matière dans les 3 derniers livres, où il parle des dieux. Ajoutez ces 3 livres aux 12 précédents, et joignez-y encore un livre d'introduction sur les choses divines considérées en général, voilà les 16 livres dont j'ai parlé. Dans ce qui regarde les choses divines, sur les 3 livres qui traitent des personnes, le premier parle des pontifes, le second, des augures, le troisième, des quindécemvirs. Aux 3 suivants, qui concernent les lieux, Varron traite premièrement des hôtels privés, secondement, des temples, troisièmement, des lieux sacrés. Viennent ensuite les 3 livres sur les temps, c'est-à-dire sur les jours de fête publique, où il parle d'abord des jours fériés, puis des jeux scéniques. Enfin, les 3 livres qui concernent les sacrifices traitent successivement des consécrations, des sacrifices domestiques et des sacrifices publics. Tout cela forme une espèce de pompe religieuse où les dieux marchent les derniers à la suite du cortège, car il reste encore 3 livres pour terminer l'ouvrage, l'un sur les dieux certains, l'autre sur les dieux incertains et le dernier sur les dieux principaux et choisis. Chapitre 4. Il résulte des dissertations de Varron que les adorateurs des faux dieux regardaient les choses humaines comme plus anciennes que les choses divines. Il résulte déjà très clairement de ce que nous avons dit, une conséquence qui deviendra plus claire encore par ce qui nous reste à dire, c'est que pour tout homme qui n'est point opiniâtre jusqu'à devenir ennemi de soi-même, il y aurait de l'impudence à s'imaginer que toutes ces belles et savantes divisions de Varron aient quelque pouvoir pour faire espérer la vie éternelle. Qu'est-ce, en effet, que tout cela, sinon des institutions toutes humaines ou des inventions des démons? Et je ne parle pas des démons que les païens appellent bons démons. Je parle de ces esprits immondes et sans contredit malfaisants, qui répandent en secret dans l'esprit des impies des opinions pernicieuses, et quelquefois les confirment ouvertement par leur prestige, afin d'égarer les hommes de plus en plus, et de les empêcher de s'unir à la vérité éternelle et immuable. Varron lui-même l'a si bien senti qu'il a placé dans son livre les choses humaines avant les choses divines, donnant pour raison que ce sont les sociétés qui ont commencé à s'établir, et qu'elles ont ensuite établi les cultes. Or, la vraie religion n'est point une institution de quelque cité de la terre. C'est elle qui forme la cité céleste, et elle est inspirée par le vrai Dieu, arbitre de la vie éternelle, qui enseigne lui-même la vérité à ses adorateurs. Varron avoue donc que s'il a placé les choses humaines avant les divines, c'est que celles-ci sont l'ouvrage des hommes, et voici comment il raisonne. De même, dit-il, que le peintre existe avant son tableau et l'architecte avant son édifice, ainsi les sociétés existent avant les institutions sociales. Il ajoute qu'il aurait parlé des dieux avant de parler des hommes, s'il avait voulu dans son livre embrasser toute la nature divine, comme s'il ne traitait que d'une partie de la nature divine et non de cette nature tout entière, et comme si même une partie de la nature divine ne devait pas être mise avant la nature humaine. Mais puisque dans les trois livres qui terminent son ouvrage, il classe les dieux d'une façon si exacte en certains, incertains et choisis, ne semble-t-il pas avoir voulu ne rien omettre dans la nature divine? Que, vient-il donc nous dire, que s'il eût embrassé la nature divine tout entière, il eût parlé des dieux avant de parler des hommes? Car enfin, de trois choses l'une, ou il traite de toute la nature divine, ou bien il traite d'une partie, ou enfin ce dont il traite n'est rien de la nature divine. S'il traite de la nature divine tout entière, elle doit sans nul doute avoir sur la nature humaine la priorité. S'il traite d'une partie de la nature divine, pourquoi la priorité ne lui serait-elle pas acquise également? Est-ce que toute partie quelconque de la nature divine ne doit pas être mise au-dessus de la nature humaine? En tout cas, si c'est trop faire pour une partie de la nature divine que de la préférer à la nature humaine tout entière, du moins fallait-il la préférer à ce qui n'est qu'une partie des choses humaines, je veux dire aux institutions des Romains, car les livres de Varron regardent Rome et non pas toute l'humanité. Et cependant il croit bien faire d'ajourner les choses divines, sous prétexte que le peintre précède son tableau et l'architecte son édifice. N'est-ce pas avouer nettement que ce qu'il appelle chose divine est à ses yeux, comme la peinture et l'architecture, que l'ouvrage des hommes? Il ne reste donc plus que la troisième hypothèse, savoir, que l'objet de son traité n'est rien de divin, et voilà ce dont il ne serait pas convenu ouvertement, mais ce qu'il a peut-être voulu faire entendre aux esprits éclairés. En effet, il se sert d'une expression équivoque, qui veut dire, dans le sens ordinaire, que l'objet de son traité n'est pas toute la nature divine, mais qui peut signifier aussi que ce n'est rien de vraiment divin. Dans le fait, s'il avait traité de toute la nature divine, le véritable ordre était, il en convient lui-même de la placer avant la nature humaine, et comme il est clair d'ailleurs, sinon par le témoignage de Varron, du moins par l'évidence de la vérité, que dans le cas même où il n'aurait voulu traiter que d'une partie de la nature divine, elle devait encore avoir la priorité, il s'ensuit finalement que l'objet dont il traite n'a rien de véritablement divin. Dès lors, il ne faut pas dire que Varron a voulu préférer les choses humaines aux choses divines. Il faut dire qu'il n'a pas voulu préférer des choses fausses à des choses vraies. Car dans ce qu'il écrit touchant les choses humaines, il suit l'ordre des événements, au lieu qu'en traitant des choses divines, qu'a-t-il suivi, sinon des opinions vaines et fantastiques? Et c'est ce qu'il a voulu finement insinuer, non seulement par l'ordre qu'il a suivi, mais encore par la raison qu'il en donne. Peut-être, s'il eût suivi cet ordre sans en dire la raison, nierait-on qu'il ait eu aucune intention semblable, mais, parlant comme il fait, on ne peut lui supposer aucune autre pensée, et il a fait assez voir qu'il a voulu placer les hommes avant les institutions des hommes, et non pas la nature humaine avant la nature des dieux. Ainsi il a reconnu que l'objet de son traité des choses divines n'est pas la vérité qui a son fondement dans la nature, mais la fausseté qui a le sien dans l'erreur. C'est ce qu'il a déclaré ailleurs d'une façon plus formelle encore, comme je l'ai rappelé dans mon quatrième livre, au chapitre 31, quand il dit que s'il avait à fonder un état nouveau, il traiterait des dieux selon les principes de la nature. Mais que, vivant dans un état déjà vieux, il ne pouvait que suivre la coutume.